Donc, bonjour mes frères et sœurs, et je suis content d'être avec vous encore une fois. Et nous allons continuer à étudier ce merveilleux livre de l'Apocalypse. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que par ce merveilleux livre de l'Apocalypse, tu as tranquillisé ton Église à travers les temps. Tu as encouragé l'Église à la fidélité. Tu as, dans ta grâce souveraine, décidé de nous dire comment le tout allait se terminer. Parce qu'une grande partie de l'Église, si je peux appeler ça de même, de l'Ancien Testament, ont vécu leur vie sans toujours savoir comment ça terminerait. Mais tu as décidé de nous dire à nous, ton peuple de la Nouvelle Alliance, comment se terminerait l'histoire de ton peuple et l'histoire du monde. Encourage-nous ce matin, encore une fois, à la persévérance. Pour ton nom. Tu nous as dit, pendant que tu étais sur la terre, ils vont vous traiter de la même façon qu'ils m'ont traité. Le serviteur n'est pas plus que son maître. Donc conduis-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le mot Apocalypse, c'est une translittération d'un mot grec qui veut dire révélation. C'est pour ça que les anglophones ont intitulé leur dernier livre de la Bible Révélation ou Dévoilement. Et nous avons vu que jusqu'à date, dans le chapitre 1, c'est Dieu qui a pris l'initiative de révéler à l'Église l'avenir du peuple de Dieu jusqu'à la fin du monde. On a vu que c'est Dieu qui l'a révélé par Jésus, par son ange, à Jean et par Jean à l'Église. On a vu aussi que Jean a eu une apparition sur l'île de Patmos. Et l'apparition qu'il a eue, c'est une apparition terrifiante, à un tel point qu'il est tombé aux pieds de Jésus comme mort. Mais on a vu que Jésus a mis sa main sur lui et lui dit, n'aie pas peur ou ne crains point. Même si ma vision est terrifiante, ne crains point. Car ceux qui sont comme toi, qui persévèrent dans la foi, qui persévèrent dans le témoignage envers Jésus, n'ont pas à craindre ce qui s'en vient. Et ensuite, on a vu la dernière fois la première lettre que Jésus a demandé à Jean de donner à l'église d'Éphèse. Et il a dit à l'église d'Éphèse, je vois que, si je peux résumer, ta doctrine est correcte, mais tu ne m'aimes plus. Tu m'as abandonné. Donc, repens-toi. Si tu ne te repens pas, je vais t'enlever ton chandelier. Et si tu te repens, je vais te donner de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce matin, nous continuons avec la lettre à la deuxième Église. Quand nous lisons dans les Écritures les premiers 30 ans de la vie de l'Église à travers les Actes des apôtres, il y a eu une grande expansion de l'Église à travers le monde. Mais en même temps, il y a eu de fortes persécutions contre l'Église. Les chrétiens ont premièrement été attaqués par le peuple des Juifs. Les Juifs se sont rebellés envers tous les disciples de Jésus. Ils s'étaient rebellés premièrement envers Jésus et ils l'ont finalement crucifié, le fondateur de l'Église. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose envers les disciples de ce fondateur-là. Et comme je l'ai dit dans ma prière, Jésus avait dit, ils vont vous traiter de la même façon qu'ils m'ont traité. S'ils m'ont traité de Béelzébul, ils vont vous traiter de la même façon. S'ils m'ont fait mourir, ils vont vouloir aussi vous faire mourir. Donc on voit dans les Actes des Apôtres une période de forte persécution. En même temps que l'Église grandissait, la persécution aussi grandissait. Et les chrétiens sont morts par centaines et par milliers. Ça a continué d'augmenter. Et quand Jean a écrit, si on en comprend l'histoire et ce qu'on voit dans l'Apocalypse, les tribulations avaient augmenté. Et l'Église souffrait encore davantage pour la foi en Jésus-Christ. Mais Jean, l'auteur, est lui-même un exemple. Il dit, je suis sur le Patmos, en prison, à cause du témoignage que je rends en Jésus. Donc, lui-même, l'auteur, n'est pas dans un beau château recouvert d'or et d'argent et de pierres précieuses et de marbre, et qui dit aux chrétiens, toffez, vous autres qui vivez dans la pauvreté, comme certaines églises font. Hein? Certaines églises vivent dans les grandes richesses et encouragent leurs fidèles à accepter la pauvreté. Mais pas Jean, pas Jésus. Jean est lui-même en prison et souffre pour la foi, donc il est très compatissant envers ceux à qui il écrit. Pendant la vie de Jésus, beaucoup de disciples dans les évangiles vont abandonner Jésus. Beaucoup de disciples, parce que disciples dans les évangiles n'égale pas toujours croyants. Disciples, c'est des gens qui suivaient Jésus, qui recevaient l'instruction de Jésus, mais à cause de certains événements ou à cause de certains enseignements, ils quittaient Jésus. On a un exemple de cela dans Jean 6. Et plusieurs de ses disciples le quittèrent pour ne plus jamais revenir avec lui. Et dans les Actes des Apôtres, c'est la même chose. Beaucoup de gens auraient aimé faire partie du groupe, de l'Église, mais ils avaient peur de ce qui les attendait. Certains ont quitté les groupes à cause des persécutions. Et quand nous lisons l'histoire de l'Église, et dans les alentours des années 100, beaucoup quittaient parce qu'il avait tellement de tribulations, tellement de persécutions fortes contre l'Église, que plusieurs abandonnaient. Et c'est ce que nous allons voir ce matin dans la lettre à la deuxième Église. Lisons ensemble, si vous voulez bien, chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. L'église de Smyrne. Donc, on va faire comme les autres, l'autre église, Éphèse. On va voir qui, comment il se présente celui qui parle à l'église, qui est Jésus. Celui qui a les 7 étoiles dans sa main. Celui qui est au milieu des chandeliers. Il dit, je suis celui qui est le premier et le dernier. Le premier et le dernier de quoi? De la création? Peut-être. De quoi est-il le premier et le dernier? Je crois que c'est un titre ici. Un titre honorifique. Celui qui a tout débuté et celui qui va tout terminer. Celui qui commence et celui qui termine. Celui qui détient l'autorité. C'est une expression qui est souvent utilisée dans l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, qui nous dit la même chose. Première lettre, dernière lettre de l'alphabet. Donc, c'est celui qui est le commencement du monde et la fin du monde. Et il se présente aussi comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, il dit, il va les encourager à suivre son modèle. Jésus n'encouragera pas ici l'Église à souffrir pour lui, sans que lui-même ait été un modèle de cela aussi. Lui-ci a souffert pour l'Église jusqu'à la mort, mais il est revenu à la vie. Et c'est un titre bien choisi pour cette église qui fait face à la mort. Y a-t-il quelque chose de plus encourageant que de dire à quelqu'un qui fait face à la mort, tu vas revenir à la vie comme j'ai revenu à la vie. Tu vas trouver la mort à cause de moi, tu vas retrouver la vie comme moi. Donc, il était mort, il est ressuscité d'entre les morts, et il est revenu à la vie. Ça, c'est celui qui écrit. Deuxièmement, il dit, je connais, on a vu ça la dernière fois, Jésus connaît l'Église, connaît chaque individu, chaque Église locale, il sait qu'est-ce qui se passe dans son Église, il n'est pas un dirigeant lointain, mais il est bien la tête du corps. La tête sait toujours qu'est-ce qui se passe dans le corps. Si ce serait pas cela, on dirait le gars est vraiment malade. Il a le sourire jusqu'aux oreilles pendant qu'il est en train de crever dans son corps. Ça serait pas normal. Quand notre corps est malade, la tête le sait. Hein? Mais Jésus dit, je connais ton affliction et ta pauvreté. Je sais ce que tu vis à cause de moi. Je sais. Je sais que tu es affligé. Je sais que tu as perdu des choses. Vous vous souvenez dans Acte, comment les chrétiens ont été chassés de leur ville, de leur pays. Jacques écrit aux 12 tribus dans la dispersion. Et les premiers chrétiens ont été souvent obligés de fuir ville, pays, famille, ils ont tout perdu à cause de Jésus-Christ. Donc, ils vivaient l'affliction et la pauvreté. J'ai lu un jour un livre qui s'appelait Les chrétiens dans les catacombes. Ça m'a beaucoup touché de voir que la première génération de chrétiens, par milliers, ils vivaient sous la ville de Rome, cachés dans ces tunnels d'anciennes mines. On avait des mines de, ce que j'ai lu, des mines de sable sous la ville de Rome. On prenait du sable pour l'emmener au-dessus, pour bâtir des briques, pour bâtir la ville de Rome. Et beaucoup de chrétiens ont vécu là, dans ces catacombes-là, dans ces ruines-là de mines, ils ont vécu et ils sont morts là, dans ces mines-là. Et si vous voulez avoir un bel exemple aussi de cela, vous avez l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, où est-ce qu'on parle des modèles de la foi qui sont morts, qui ont été tués, ils ont été sciés, ils ont été battus, ils ont été fouettés, maltraités, de toutes les façons possibles et imaginables. L'Église a subi l'affliction et aussi la pauvreté. Il dit, malgré que tu sois riche, et on parle ici de richesse spirituelle, hein, richesse spirituelle. Nous pouvons être des fois les plus pauvres de ce monde, mais en même temps, nous sommes les plus riches de ce monde. Le monde peut nous affliger. Le monde pourrait nous appauvrir. Mais le monde ne peut pas toucher à nos richesses spirituelles. Ils ne peuvent pas nous l'enlever. Tu es riche parce que tu possèdes la vie éternelle. Parce que tu fais partie du peuple de Dieu. Parce qu'un jour, tu vas habiter dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Parce qu'un jour, tu vas avoir un corps ressuscité. Tu es riche. Tu es riche. Et il dit par la suite, au verset 9, et je connais aussi les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Donc, ils étaient accusés, c'était la mode dans ce temps-là, quand ça allait mal, on accusait les chrétiens. On accusait les chrétiens d'être des fauteurs de troubles, d'être des gens qui stimulaient les gens à se révolter contre l'Empire romain. Même Néron, après qu'il ait mis le feu à la ville de Rome, ont accusé les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome. Mais ici, il dit, de la part de ceux qui se disent juifs, on t'accuse, on te calomnie, on dit des, parce que le mot calomnie veut dire des choses pas vraies à ton sujet. Mais il dit, ils ne sont pas des juifs. C'est important ici. Cette petite expression-là, on va y revenir plus loin. C'est des gens qui se disent juifs et qui sont juifs je crois, de par leur naissance, mais ils ne sont pas des juifs spirituellement parlant. Comme Jésus avait dit, vous dites avoir Abraham pour père, vous n'avez pas Abraham pour père. Si vous auriez Abraham pour père, vous croiriez en moi. Si vous seriez des vrais juifs, non pas juste de sang, mais de foi, vous croiriez en moi. Donc ici, l'Église subit des calomnies de la part des Juifs qui ne sont pas des vrais Juifs, des vrais chrétiens, des gens qui croient, des vrais croyants, comme il aurait dû être. Mais ils sont une synagogue de Satan. Ça peut être facile pour ceux qui ont vécu autour du temps de l'Apocalypse et qui ont su par la bouche de Dieu lui-même, ces Juifs sont une synagogue de Satan, un rassemblement de Satan, une assemblée de Satan. Ils sont déjà des disciples de Satan, un peu comme Jésus avait dit dans Jean, vous avez pour part le diable. Il s'attaquait, Satan s'attaquait à l'Église par le peuple juif, par les Juifs. Il faisait souffrir le peuple de Dieu. Vous savez, Comme dans l'histoire de Job, Dieu n'a pas arrêté Satan de faire souffrir l'Église. Excusez, de faire souffrir Job. Mais il a donné la capacité à Job de persévérer. Comme Dieu n'empêche pas Satan d'attaquer Pierre. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais il dit, j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille point. Il n'a pas empêché Satan de toucher aux disciples. Mais il a œuvré dans le cœur des disciples par ses prières pour que les disciples restent fidèles. Et ici, encore une fois, Dieu ne va pas empêcher Satan de calomnier l'Église, d'attaquer l'Église, d'affliger l'Église pendant cette période dans laquelle nous vivons. Donc, Satan va être celui qui est derrière souvent les tribulations ou les difficultés ou les persécutions contre l'Église. Je ne crois pas que Satan est toujours présent à chaque petite tribulation ou chaque petite persécution que l'Église vit, mais je crois que ultimement, il est derrière tout cela. Faut faire attention ici, de bien comprendre que Jésus ne parle pas des souffrances que l'Église subit à cause de son manque de sagesse, peut-être, à cause de son manque de compréhension du monde dans lequel elle vit, à cause de son orgueil. J'ai souffert des tribulations, des persécutions, mais pas tout le temps au nom de l'Évangile. J'ai souvent souffert à cause que j'étais agressif, que je manquais de patience et de sagesse et d'amour envers ceux que je voulais atteindre. Ici, on parle de tribulations ou de persécutions qui sont à cause de l'Évangile, à cause de la prédication de l'Évangile. Souvent, l'Église a souffert avant même qu'on ait le temps de parler de l'Évangile. Et Jésus continue au verset 10, il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Donc, il dit à l'Église, ça va pas arrêter. Ça va pas arrêter. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc, Jésus voit la souffrance qui va continuer. Il dit au verset 10, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc il dit, ça va continuer pendant un certain temps. Satan va jeter certains d'entre vous en prison pour la foi, à cause de la foi. Et là, il dit, afin que vous soyez éprouvés. Le mot éprouvé pourrait être traduit tenté. Dans le texte original, c'est le même mot. Et ce même mot-là, dans le grec, est traduit dans nos traductions françaises. Des fois, il est traduit éprouvé, des fois, il est traduit tenté. Est-ce que les souffrances au nom de Jésus sont des épreuves ou des tentations? Jacques utilise la même idée dans son épître. Quand il dit, regardez comme les différentes épreuves, et on pourrait être les différentes tentations. Je crois que le but d'être éprouvé. Est-ce que Satan veut me tenter pour que je lâche? Oui. Est-ce que Dieu veut m'éprouver, mettre l'épreuve devant moi? Oui. Chaque événement dans ma vie se retrouve finalement, comme étant une épreuve et une tentation. Dieu permet ou envoie cette épreuve, cet événement comme une épreuve, comme m'éprouver, me faire avancer dans ma compréhension de la foi, dans ma compréhension de sa personne. Satan va utiliser cet même événement-là pour me faire renier Dieu, pour me faire éloigner de Dieu, pour me faire renier Dieu, pour me faire rejeter Dieu, pour me rendre infidèle face à Dieu. Mais une chose est certaine, ce que Jésus veut, qu'on le traduise par épreuve ou par tentation, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ce qu'il demande, c'est qu'on soit fidèle. Le mot ici, ce n'est pas fidèle, ou la raison ici, ce n'est pas fidèle à la lecture de la Bible, c'est pas être fidèle à aller à l'église de tous les dimanches, c'est pas être fidèle à témoigner de la foi à toutes les mardis soirs, c'est pas être fidèle à mon conjoint. Il parle d'être fidèle à Jésus, fidèle à la vérité, fidèle à notre déclaration de foi envers le Christ, fidèle à l'évangile du royaume. Fidèle jusqu'à la mort. Beaucoup d'entre nous, on vit des difficultés et on va être éprouvés ou tentés, et la mort n'est pas toujours là comme résultat final. Pour certains chrétiens, oui. Oui. J'ai entendu dernièrement que il meurt dans le monde des milliers de chrétiens pour la foi chaque jour dans le monde. Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il y en a, ça va jusqu'à la mort, d'autres, c'est pas jusqu'à la mort. La plupart d'entre nous, nous avons vécu des tribulations, nous avons vécu des calomnies, nous avons vécu des persécutions, mais ça ne nous emmenait pas jusqu'à la mort. Mais nous sommes encouragés à persévérer jusqu'à la mort si nécessaire. L'Épître aux Hébreux va dans cette direction-là. Et encourage les chrétiens à persévérer jusqu'à la mort. Il dit, vous n'avez pas combattu jusqu'à la mort. Encore. Donc, persévérez. Continuez. Parce que quand la mort vient, ben, on n'a plus besoin de persévérer, c'est terminé. Hein? On va être avec Dieu dans sa présence. Donc, on persévère jusqu'à la mort. Sois fidèle. Les chrétiens ne sont jamais appelés des infidèles dans la Bible. Les infidèles, c'est les incroyants. Parce que le mot fidèle peut être traduit croyant. Sois croyant. Reste croyant jusqu'à la mort. Le mot infidèle, c'est le non-croyant. Donc, le chrétien peut pas être appelé croyant et incroyant en même temps. Tu es croyant ou tu n'es pas croyant. C'est pas à cause que je tombe dans un péché que je suis un infidèle. Parce que dans le péché, je reste attaché à ma foi que ce péché est pardonné par Jésus-Christ. Qu'en Christ, j'ai le pardon de ce péché-là. Donc, je suis appelé à la fidélité jusqu'à la mort. Donc, ça veut dire que c'est le max. Je peux pas abandonner, je peux pas devenir un infidèle. Dieu n'acceptera jamais que je devienne un infidèle et que je puisse justifier ça. Mais Seigneur, tu sais, j'étais pour perdre ma femme, j'étais pour perdre mon enfant, j'étais pour perdre mon argent, j'étais pour perdre ma job. Donc, c'est pour ça que j'ai abandonné, tu comprends, hein? Personne ne va pouvoir se justifier devant Dieu comme cela. Il dit, je te demande d'être fidèle jusqu'à l'extrême qui est la mort. La mort, on ne peut pas aller plus loin, hein? Quand j'accepte de mourir, je ne peux pas aller plus loin. Dieu dit, j'ai accepté la mort pour toi, je te demande aussi d'accepter la mort pour moi si c'est cela que je te demande. Qu'arrivera-t-il à celui qui va accepter de souffrir jusqu'à la mort. Il dit, si tu persévères, si tu passes le test, si tu réussis à passer l'épreuve ou la tentation, et que tu restes fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. C'est la même vérité que Jésus a dit dans Matthieu, quand il parlait de la fin des temps, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que l'apôtre Paul, ou bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit. Si vous abandonnez, vous êtes perdu. Si vous reniez la foi, vous êtes perdu. Mais il dit, si vous persévérez jusqu'à la mort va venir pour tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit la mort d'une maladie, que ce soit la mort causée par une guerre, que ce soit la mort causée par la tribulation ou la persécution, la mort va venir sur tout le monde. Et donc, Jésus me demande de rester fidèle jusqu'à la mort. Fidèle à lui. Pas fidèle à une église quelconque, pas fidèle à une organisation quelconque, pas fidèle à quelqu'un, peu importe c'est qui, mais fidèle à lui, à son enseignement, à son évangile, à sa mort et sa résurrection. Il veut qu'on reste attaché à lui. Parce que dans le fond, c'est ça qui nous sauve. C'est pas d'être fidèle à un organisme ou à une association d'église ou à une église quelconque locale, mais c'est de rester fidèle à lui, qui est la tête de l'église. C'est pas à cause que quelqu'un quitte une église quelconque qu'il devient un infidèle automatiquement. Mais il y en a, comme ici, dans les églises qu'on voit, dans les sept églises, il y en a qui sont restés fidèles à leur église, mais pourtant Jésus va leur dire, tu es mort. Quand quelqu'un quitte ou abandonne une assemblée, l'important, c'est de savoir est-ce qu'il est resté fidèle à Jésus-Christ? Je ne sais pas combien de fois j'ai demandé à des gens qui avaient quitté des assemblées depuis 35 ans. Je peux comprendre et accepter facilement que tu quittes une assemblée. Je peux comprendre ça. Mais pourquoi est-ce que tu quitterais Jésus? Je peux comprendre que dans cette assemblée-là, il y a eu toutes sortes de problèmes qui t'ont blessé, qui t'ont perturbé, qui t'ont agacé. En tout cas, je pourrais tout comprendre ça. Mais qu'est-ce que Jésus t'a fait pour que tu l'abandonnes, lui? Si tu l'abandonnes, lui, tu n'auras pas la couronne de vie. Même vérité que dans Jean 1. Si je persévère dans l'épreuve et dans la tentation, Jacques dit qu'il va recevoir la couronne de vie. L'apôtre Paul, il dit, j'ai persévéré, j'ai gardé le bon combat, la couronne m'est réservée. Ici, la couronne, c'est pas quelque chose de plus que la vie éternelle. C'est la même vérité. C'est pas que si je persévère puis que je suis un bon chrétien, meilleur que les autres, je vais avoir une couronne différente que les autres, une plus grosse. Non, non, non, non. Il y a juste une couronne de vie pour tous les croyants. Je te donnerai la couronne de vie. Mais il dit au verset 11, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vaincre ici, c'est pas vaincre un péché dans ma vie. Mais c'est celui qui va vaincre la tentation, l'épreuve, Satan. Et c'est celui qui va vaincre et qui va persévérer et qui va rester fidèle n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mais celui qui ne va pas vaincre va devoir souffrir la seconde mort. Donc c'est le contraire, le côté noir de couronne de vie. Si tu persévères, tu vas avoir la couronne de vie. Si tu ne persévères pas, tu n'auras pas la couronne de vie, mais tu vas subir la mort. La seconde mort. qui est l'étang de feu dans l'Apocalypse, qui est l'enfer pour nous autres, là. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit hier. Les églises à qui Jésus s'adresse ici, ce dont il leur parle, ce n'est pas les combats courants de la vie du croyant. Le chrétien pêche et combat et se lutte avec le péché. Il est tenté et il fait comme ce que l'apôtre Paul a dit qu'il arrive. Il y a du mal qu'il voudrait pas faire, qu'il fait. Il y a du bien qu'il aimerait faire, qu'il réussit pas à faire. Il parle pas de ce combat-là ici de la vie chrétienne. Il parle de ce moment dans la vie des croyants ou des gens qui se disent des croyants, des gens qui sont dans les églises, qui ont un choix à prendre entre continuer et arrêter, entre rester fidèles et devenir des infidèles, entre suivre Jésus-Christ jusqu'à la mort ou renier Jésus-Christ. C'est ça dont les sept églises vont parler ultimement. Donc, ne prenons pas ces églises-là, ou ces exemples-là, ou ces principes-là, pour appliquer ça à des chrétiens qui luttent dans leur vie chrétienne et qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui restent attachés à la croix. Mais utilisons ces vérités-là, et je vous dis que je les ai utilisées souvent dans mon ministère, avec des croyants, dans l'intimité avec eux autres, dans leur mes temps avec eux autres, j'ai utilisé souvent ces églises-là pour dire, « Hey, si tu abandonnes, si tu rejettes le Christ, tu n'auras pas la couronne de vie. Si tu ne persévères pas, tu vas avoir souffrir la seconde mort. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas un homme qui dit cela. C'est Jésus qui dit cela. C'est pas un homme ou un organisme qui me dit cela. C'est l'Esprit de Dieu qui dit cela. Donc, le Seigneur nous encourage à accepter les souffrances qui viennent au nom de l'Évangile. Oh, je parlais dernièrement avec un homme qui vient de faire profession de foi et qui m'a partagé à quel point déjà les gens qui l'entourent commencent à réagir négativement envers lui. Et j'ai dit, habitue-toi à cela. Il va toujours avoir de l'opposition au fait que tu as la foi maintenant en Jésus-Christ. Ça fait juste quelques semaines, toi. Moi, ça fait déjà 35 ans. 35 ans. Par sa grâce, je veux rester fidèle jusqu'à la mort. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu, béni sois-tu. Tu nous encourages à rester fidèles et nous comptons sur ta fidélité envers nous pour rester fidèles envers toi. Seigneur, donne-nous de nous rappeler cette vérité que celui qui reste fidèle va avoir la couronne de vie. Mais celui qui devient un infidèle devra subir la mort. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, même à travers la souffrance. Que ton nom soit glorifié, car tu lui es digne de toute adoration. Au nom de Jésus. Amen.